Le morceau j'kiffe c'était un trompe-l'œil. Un kiff-kiff entre kick-jif et le style kill sur un fond de thug. Mais le but c'était t'emmener dans mon monde, très loin loin de ces rôles fictifs sur des sons club. Un monde où l'ego trip a jeté sa glace après une grosse chiffre. Un monde où le mode 50 n'a pas sa place. Un monde où les gros tripes ne sont pas toujours en train de dealer. Un monde où seule la vérité fait les gros titres. C'est pas que je dénonce un manque de tact. Faut qu'on capte, j'suis venu tacler au taquet ceux qui méritent des claques. Trop de rappeurs éclatent en mentant, moi j'm'éclate en montrant. C'est pas le seul moyen d'avoir un impact. Moi j'ai pas de contrat qui me contraint. Des tracks qui m'ont train-train. Le track file au fil des tracks et ça craint-craint. Car chez moi le marketing c'est tirer une balle. Tu veux marquer qui dans mon monde? J'suis le roi des kings, man. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Pas trop de blagues dans mes propos, pas quiproquo, car d'après eux je suis trop pro-black. Un gros taux de culture un peu trop tôt. J'ai pris du temps sur l'histoire des noirs, maintenant je suis trop trop blasse. Mais tu connais les causes, on aura beau s'en vouloir pour le passé, mais c'est pas ça qui changera les choses. Faut que le futur nous lie, plus de réaction au thème. Je reste au peine, mais le silence n'est pas un oubli. Dans mon monde la tolérance est reine. On rêve plus nos vies, on vit nos rêves sous des règles sereines. On s'en fout qu'un tel ou un tel pratique telle ou telle religion. Dans chacune c'est l'amour qui règne. Ne te fie pas aux apparences des cités. Dans mon monde la réflexion a plus de place qu'au JT. Je suis sincère dans mes sons pour mes frères et mes chers. Quand les gens préfèrent te faire hocher la tête que la faire cogiter. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. C'est un pouvoir, mais pour eux c'est tous pour un billet, briller et puis tout boire. Un monde où la thune te tient, mais c'est l'heure. Dans le mien, mien, toute cette machine n'est qu'un trou noir. Dans mon monde, la musique est universelle et stop. Elle appartient à tous. Elle nous touche, elle nous choque. Douce pop, rap ou rock. Elle appartient à tous. Mon rap veut qu'on ramène le graal du sourire. Que drame soit un mot rare. Que la morale prenne le bras d'un monde brave. Où la race n'a pas de sens, n'a pas de trace. J'ai pas de rage à revendre, mais des rêves à offrir. Pour moi le message est l'essentiel. Dur ou tendre, le rap doit faire réfléchir. C'est l'essence même, alors pas d'insultes, pas de mensonges. J'ai toujours écrit en me disant que ma mère pourrait m'entendre. Bienvenue